13h21 sur France Inter et comme chaque samedi, on retrouve Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Rarement sans doute, Monsieur X ne m'a autant étonné. Pourquoi ? Voulait-il me parler de ce cinéaste italien tué en 1975 dans des conditions particulièrement tragiques ? Quel rapport ? Existait-il entre ce drame et le monde trouble des services secrets dont il m'entretient d'habitude ? Et surtout, comment lui, Monsieur X, pouvait-il avoir des informations sur ce qui apparaissait avant tout comme un simple fait divers ? Il va lui-même éclaircir ses mystères dans quelques instants. Mais avant d'en venir à la diffusion de ce nouvel entretien, je crois qu'il est bon de revenir sur les faits. Le 2 novembre 1975, jour des morts, le corps ensanglanté de Pier Paolo Pasolini est retrouvé sur un terrain vague près de la plage d'Ostie, non loin de Rome. Le cinéaste a été roué de coups et les premières constatations permettent d'établir qu'une voiture a roulé sur son corps. Ce qui frappe immédiatement. C'est le lieu où a été perpétré le meurtre. Ce terrain vague, situé à la limite des HLM, une sorte de décharge sauvage hérissée de petites cabanes. Un bidonville où, à la nuit, se nouent des rencontres de hasard. Prostituées des deux sexes, silhouettes furtives, automobiles qui s'arrêtent un instant aux franges de ce cloaque. C'est le décor de la dernière scène de la Dolce Vita de Fellini. C'est aussi un paysage que Pier Paolo Pasolini a souvent décrit dans ses films ou ses romans. Le réalisateur, fasciné par la beauté sauvage des adolescents marginaux, s'est plu à filmer ces endroits aussi violents qu'équivoques. Source d'inspiration, source de plaisir, Pasolini ne faisait pas mystère de son homosexualité et de son attirance pour les jeunes mauvais garçons, les ragazzi, comme on dit en italien. Alors, avait-il été victime de son goût pour les amours masculines et dangereuses ? À l'évidence, oui. Et l'enquête allait rapidement s'orienter dans ce sens. Mais la personnalité de Pasolini exigeait que l'on se pose des questions autrement complexes. Pasolini occupait en effet une place à part sur la scène italienne. Cinéaste de la démesure et de la provocation, poète sulfureux et mystique, écrivain engagé et proche du Parti communiste, homosexuel flamboyant, Pasolini s'était attiré de nombreuses haines. L'Église, les milieux conservateurs et bien-pensants le vouaient aux gémonies. Mais à gauche aussi. Ses provocations, son non-conformisme dérangeaient. Et la sortie de chacun de ses films déchaînait les passions. Au moment où il est mort, on attendait d'ailleurs avec curiosité son dernier long-métrage, Les 120 journées de Sodome, une transposition de l'univers du marquis de Sade dans la République italienne de Salo, au dernier temps du fascisme. Provocation, érotisme et dénonciation du fascisme, un cocktail qui, de toute évidence, allait à nouveau susciter tumultes et controverses. Mais, en réalité, c'est sa mort qui devait faire scandale, mort sordide, louche, qui lui ressemblait en quelque sorte une mort qui devait aussitôt donner matière à polémique. Comment croire qu'un tel personnage ait été la victime d'un crime ordinaire ? Non, il y avait autre chose, un mystère, un complot peut-être. Pier Paolo Pasolini, 53 ans, révolté toujours, enragé, comme il disait lui-même, et figure emblématique de l'intelligentsia italienne, semblait avoir été la victime expiatoire de cette société qu'il dénonçait depuis un demi-siècle. Dans un instant, la version de Monsieur X. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Alors, bon, Pasolini, pourquoi ? Vous le connaissiez ? Non, pas du tout. Bon, expliquez-moi cet intérêt pour ce qui n'est quand même qu'un fait divers, j'avoue que je comprends pas. Je crois vous avoir déjà dit que je m'intéressais beaucoup aux affaires italiennes. Mm-hmm. Aldo Moro, la loge P2, le réseau Gladio, c'est oui, ça ? Oui, puis l'affaire Mattei. Enfin, on en parlera un jour si vous le voulez bien. Mm-hmm. Mais quand vous dites que vous vous y intéressiez, ce n'était quand même pas tout à fait à titre personnel. Évidemment, hein. C'est là où je voulais en venir. Nos services étaient préoccupés depuis longtemps par ce qui se passait en Italie. Pour quelle raison ? Ben, nous savions que la société italienne était fragile. Il y avait bien sûr les brigades rouges, vous en souvenez. Mmh. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, il y avait surtout des nostalgiques du fascisme, des hommes qui étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. des hommes qui avaient infiltré les principaux rouages de l'État et pensaient sérieusement prendre le pouvoir. Ouais, vous m'en avez déjà parlé à propos de la loge Pétain. Mmh, mais ouais. ça préoccupait les services français, mais alors pourquoi? Parce que rien de ce qui se passait en Europe ne pouvait nous laisser indifférents. Parce que ça aurait forcément des répercussions chez nous, vous comprenez? Oui, donc vous aviez des gens à vous en Italie. Naturellement. Mmh. Et nous avions aussi des informateurs privilégiés. Et par exemple? Vous me permettrez de rester discret. Je peux quand même vous dire que dans la police, nous avions des contacts très intéressants. Et dans les services secrets? Aussi, bien entendu. Mais il nous fallait faire preuve d'une grande prudence parce que ces comploteurs dont je vous parlais avaient noyauté les services italiens. Oui, d'accord. Alors, c'est grâce à vos amis de la police italienne que vous avez obtenu des tuyaux sur la mort de Pasolini? Oui. Je vous repose la question. En quoi cette affaire pouvait vous intéresser, vous? Parce que, rappelez-vous, on a tout de suite prétendu que l'assassinat de Pier Paolo Pasolini avait des mobiles politiques. Ouais. On avait voulu se débarrasser d'un personnage trop encombrant, un type qui ne respectait rien, qui bafouait la morale et la religion, et puis qui dénonçait en permanence la corruption de la société italienne. Un type, enfin, qui connaissait peut-être certains secrets et qu'il fallait donc éliminer. Mais c'est votre avis, ça? Attendez, comme d'habitude, vous voulez aller trop vite. Mais voyons d'abord les circonstances de la mort de Pasolini. Alors, je vous écoute, je suis fou de bien obligé. Le soir du 1er novembre, Pasolini dîne dans un restaurant du bord de mer avec son acteur fétiche, Ninetto Davoli. Un acteur dont on a dit qu'il était aussi son amant, hein, je crois. Oui, c'est exact. Mais Ninetto a fait une fin, comme on dit. Il s'est marié. D'ailleurs, ce soir-là, sa femme assiste au dîner. Aux environs de 22 heures, Pier Paolo quitte ses amis et, à bord de sa voiture, une superbe Alfa Romeo, il prend la route de Rome. Donc il est seul. Oui, et pardonnez-moi l'expression, mais il va draguer. Draguer où et qui? Pasolini a ses habitudes et cela, c'est très très important. Et pourquoi? Parce que dans l'hypothèse d'un crime prémédité, ça veut dire qu'on pouvait facilement le trouver. Bon, alors je répète, où? Aux alentours de la gare Termini, au centre de Rome. Chaque nuit, il y a là des jeunes qui tapinent, des paumés, des petits durs, des ragazzi que Pasolini connaît bien et qu'il a d'ailleurs souvent mis en scène dans ses films. Donc ce soir-là, il drague un de ces types? Oui, un certain Giuseppe Pelosi. Un garçon de 17 ans que ses copains appellent Pino la grenouille. La grenouille, pourquoi? Parce que cette petite frappe apparaît-il des yeux de batracien. Ouais, charmant. Comme vous dites. Donc Pasolini fait monter sa recrue dans son auto et il prend la direction d'Ostie. Après s'être arrêté un instant dans une trattoria où il a payé à dîner au garçon. Et Ostie, on sait pour quelle raison il va là-bas? Il y a là-bas au bord de la mer un terrain vague où quelques noctambules viennent consommer leurs amours interdites. C'est le cadre qui est le sordide qui les attire, non? Je ne sais pas. En tous les cas, Pasolini, lui, devait trouver une sorte de piment supplémentaire à faire l'amour dans ce décor de misère. Au fond, c'était un peu son univers qui était fait de violence et d'une sorte d'attirance trouble pour le sordide, le lugubre. Vous avez dit violence, mais moi, je ne sais pas, moi, Pasolini, était-il violent en vérité? Je n'ai pas voulu dire ça, mais incontestablement, il aimait le risque, le danger. Et puis dans un endroit aussi louche que ce terrain vague d'Ostie, la violence était présente et le danger permanent. Ouais, les sensations, toujours. Hein. Oui. Ouais. Au reste, je peux vous dire que Pasolini était un sportif. Pas grand, mais sec, musclé. Et ça aussi, ça a une importance dans cette affaire. Mais alors revenons à cette soirée tragique. Que se passe-t-il? À partir de maintenant, nous ne disposons que du récit de ce Pino la grenouille. J'ai du mal à y faire, Pino la grenouille. Un récit qu'il faut donc considérer avec prudence. Et qui, je peux vous le dire tout de suite, fourmille d'invraisemblances et de contre-vérités. Voici ce qu'écrivait Pier Paolo Pasolini dans le journal Il Mondo, en mars 75, quelques mois avant sa mort. Je le cite parce que, d'une certaine façon, ça éclaire le drame qui va le frapper en novembre. « Je suis, dit-il, comme un noir dans une société raciste qui a voulu se gratifier d'un esprit de tolérance. Je suis un toléré. » La tolérance est purement nominale. Je ne connais aucun exemple de tolérance réelle, et ce, parce qu'une tolérance réelle serait une contradiction de termes. Le fait de tolérer quelqu'un équivaut à le condamner. Pasolini écrit encore « Malheur à celui qui essaiera de sortir du ghetto mental dans lequel on l'a enfermé. » Alors, écrit-il, « Le lynchage se déchaîne comme au ténébreux temps clérico-fasciste. Le mépris le plus vulgaire, les ladis, l'incompréhension la plus féroce, le jette dans la dégradation et la honte. » En lisant ces lignes, il paraît évident que Pier Paolo Pasolini se sentait menacé et qu'il pressentait sa fin. Avant de poursuivre, j'imagine qu'il y a dû y avoir, comment appelle-t-on ça, une transaction financière entre le jeune prostitué et Pasolini. Naturellement. Et Pasolini a proposé 20 000 lire au garçon. Oh, c'est pas grand-chose. Non, vous avez raison. C'était, d'après ce que j'ai pu apprendre, le prix d'une passe ordinaire. Alors racontez. Pasolini roule donc vers Ostie et s'arrête au lieu dit Hydro Sacalo. J'y suis allé faire un tour à l'occasion d'un voyage à Rome. Pour quelle raison? Par curiosité. Par curiosité. C'est jonché de détritus, de carcasses rouillées. Et puis le jour où je m'y trouvais, j'ai même constaté qu'à côté du monument que les amis de Pasolini ont érigé en sa mémoire, gisait un vieux frigo éventré. Enfin, un endroit à faire peur. Oui, surtout la nuit. Donc Pino la grenouille et Pasolini y arrivent. Ils ne sortent pas de la voiture et se livrent à quelques ébats que je vous laisse deviner et dont on a beaucoup parlé à propos du président Clinton. Ah bon? Oui. Mais soudain, c'est toujours la version de Pino la grenouille. Le cinéaste se fait plus exigeant. Et le garçon refuse. J'imagine quand même qu'il savait pourtant à quoi s'attendre, non ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas la première fois qu'il sortait avec un homme. Quoi qu'il en soit, il se rebelle, refuse de se laisser faire. De se laisser violer, peut-être. Oui, absolument. Alors, dit-il, Pasolini devient violent. Pino la grenouille sort de la voiture, Pier Paolo aussi. Ce dernier se saisit d'un morceau de planche qui traîne par terre. Il en frappe le garçon qui court pour échapper à son agresseur et parcourt une soixantaine de mètres. Mais Pino la grenouille, à son tour, trouve une arme, un morceau de bois qu'il arrache à une clôture et il cogne. Sur la tête, sur le visage. Et Pasolini s'écroule. S'écroule. Mort ? Pino, la grenouille, ne le sait pas. Il voit seulement le corps à la tête ensanglantée qui gît dans la boue et les ordures. Il panique. Il court vers l'auto de Pasolini, monte dedans. Il essaie de démarrer, mais il n'a pas l'expérience de la conduite. Enfin, le moteur gronde. Pino, la grenouille, passe une vitesse. La voiture bondit, échappe au contrôle du garçon et roule sur le corps de Pasolini. Comme par hasard. Comme par hasard, oui. Et la suite, alors ? L'Alfa Romeo, conduite par Pino la Grenouille, sort du terrain vague, débouche sur la grande route comme un bolide et file vers Rome. Mais la vitesse excessive de l'auto alerte une voiture de patrouille des carabiniers. Les policiers la prennent en chasse. Pino la Grenouille accélère encore et finit par emboutir une palissade. Fin de la cavale. Vraiment maladroit, hein ? Enfin bon, il doit être arrêté, hein, Pino la Grenouille, là, mais à ce moment-là, les carabiniers ne savent pas encore qu'il a tué Pasolini. Non, puisque le corps n'a toujours pas été retrouvé. Et puis le garçon ne doit rien dire. Bien sûr. Et pourtant, Pino la grenouille se conduit de façon étrange. Il déclare qu'il a perdu une bague en or. Alors les policiers cherchent dans l'Alfa Romeo et ne la trouvent pas. Et pourquoi dites-vous que c'est étrange son comportement? Parce que cette bague, on va la retrouver au petit matin, près du corps, au visage défiguré de Pasolini. En déclarant la perte de ce bijou, Pino la grenouille fait en sorte de se désigner lui-même comme le coupable, vous comprenez? Pas beaucoup, cette espèce d'auto-dénonciation, Laissez-moi vous expliquer. Pino la grenouille doit absolument faire croire qu'il est le meurtrier. Et la présence sur les lieux du crime de cette bague, qui lui appartient, accrédite aussitôt sa thèse. Si je vous suis bien, difficile quelquefois à vous suivre, mais enfin, si je vous suis bien, ce garçon joue un rôle. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément coupable, mais qu'il s'est en quelque sorte accusé pour couvrir les vrais coupables. Voilà. Mais il était quand même sur les lieux. Je le crois, oui, mais il n'était pas seul. Je comprends pas, mais pourquoi aurait-il accepté de se dénoncer ? Je vous expliquerai. Les autres ont dû lui promettre de l'argent. Ils lui ont sans doute dit qu'étant mineur, il ne resterait pas longtemps en prison. Enfin, que sais-je encore. Et puis, s'il était présent sur les lieux de l'assassinat, il était complice. Doublement complice, même puisque c'est lui, sans aucun doute, qui avait attiré Pasolini jusqu'à Ostie. Bon. Mais les vrais assassins, enfin... Attendez. D'abord, je voudrais revenir sur le récit de Pino la grenouille et en démonter toutes les faiblesses, toutes les invraisemblances. Je passe sur la bague, nous venons d'en parler. Il y a ensuite la bagarre elle-même. Pasolini, je vous l'ai dit, était un costaud qui s'entraînait et pratiquait régulièrement des activités sportives. Et Pino la grenouille, lui ? Justement. C'était à l'époque un petit jeune homme frêle. Bon, qui, selon vous, qui ne faisait donc pas le poids en face de Pasolini ? Oui. Mais il y avait quand même ce morceau de bois à la main. Bon, admettons qu'il ait réussi à en frapper une fois le cinéaste, mais pas plus. Pasolini aurait su se défendre. Et puis n'oubliez pas que, d'après le garçon, Pasolini aussi aurait été armé d'un bâton ou d'une planche. Donc le combat aurait été égal. Non, ça tient pas. Surtout quand on tient compte de l'état du corps de Pasolini lorsqu'on l'a retrouvé. Un véritable massacre. J'arrête un instant le récit de Monsieur X parce que j'ai retrouvé le rapport d'autopsie du corps de Pasolini. Il indique que le cinéaste a été littéralement massacré. Écoutez. Pasolini était couché sur le ventre, en jeans et maillot de corps, un bras écarté et l'autre sous la poitrine. Les cheveux, pétris de sang, lui retombaient sur le front. Les joues, habituellement creuses, étaient tendues par une enflure grotesque. Le visage déformé était noirci par les hématomes et les blessures. Les mains et les bras étaient meurtris et rouges de sang. Les doigts de la main gauche étaient fracturés et coupés. La mâchoire gauche brisée, l'oreille droite à moitié coupée, l'oreille gauche arrachée. Des blessures sur les épaules et la poitrine avec les marques des pneus de la voiture. Entre le cou et la nuque, une horrible lacération. Aux testicules, une ecchymose large et profonde. 10 côtes brisées, ainsi que le sternum, le foie lacéré en 2 points, le cœur éclaté. J'arrête là. La violence est évidente, terrible. Reprenons la diffusion de mon entretien avec Monsieur X. Monsieur X qui démonte les invraisemblances du récit de Pinault la grenouille. Et la voiture ? C'est Toto qui bondit, qui échappe à son conducteur. C'est du mauvais roman. Vous ne croyez pas, vous, que l'Alfa Romeo soit passé accidentellement sur le corps de Pasolini ? Absolument pas. La bagarre mortelle se passe, selon Pinault la grenouille, à une 60aine de mètres de l'auto. Donc, assez loin. Difficile dans ces conditions de penser que l'auto va justement rouler sur le corps en quittant le terrain vague. Oui, c'est assez plausible ça, mais autre invraisemblance. Oui, mais je l'ai déjà souligné, le prétexte, cette faveur que Pinault la grenouille aurait refusée à Pasolini. C'est absurde. Le garçon tapinait depuis longtemps. Il n'ignorait rien des choses de l'amour masculin, et si je puis dire, il était suffisamment aguerri. Et puis, autre bizarrerie encore. D'après Pinault la grenouille, il y a eu bagarre. Pasolini l'a frappé. Or, quand il a été arrêté, le garçon ne portait aucune trace de coup. Non, je vous le dis, ce récit, ça sentait le fabriquer. Mais attendez, c'est quand même la... Si je me souviens bien, c'est quand même la version officielle qui a été retenue, non ? Oui, oui. Et Pinault la grenouille a été condamné pour le meurtre de Pier Paolo Pasolini. Mais je vous ferai remarquer que les juges ont, eux, aussi des soupçons. À tel point que le meurtre a fini par être qualifié par les magistrats d'homicide avec le concours d'inconnus. Et ces inconnus le sont restés inconnus ? Exact. Et autant vous le dire, on ne s'est guère appliqué à les chercher. Car dès le début de l'enquête, les policiers auraient dû être plus vigilants. En effet, en dehors des invraisemblances du récit de Pinault la grenouille, il y avait largement de quoi se poser des questions. Ouais, ça, je vous écoute là. Eh bien, on a retrouvé par exemple des empreintes digitales ensanglantées sur la carrosserie de la voiture de Pasolini. Des empreintes qui n'étaient ni les siennes ni celles du garçon. Cela méritait qu'on s'interroge, non ? Parce que ça signifiait deux choses. D'abord, Pasolini et Pinault la grenouille n'étaient pas seuls. Et ensuite, la bagarre a sans doute eu lieu près de la voiture et non pas à une 60aine de mètres de celle-ci. Et dans ce cas-là, alors, pour revenir à cette histoire de la voiture, c'est délibérément que le corps a été écrasé. Exactement. Et puis il y a aussi ces objets qu'on a retrouvés dans la voiture. Un t-shirt et un briquet qui n'appartenaient pas à Pasolini, pas plus qu'à Pinault la grenouille. Donc il y a eu des négligences dans l'enquête. Oui, des négligences graves. Et quelle conclusion, vous, vous en tirez ? Manifestement, on n'a pas voulu savoir la vérité. Et c'est pour cette raison que l'enquête a été tellement entachée d'erreurs. Le pire, Paolo Pasolini. La gauche et surtout l'extrême-gauche italienne ont crié au crime politique. Mais je dois à la vérité de dire que rapidement, les propres amis du cinéaste ont abandonné cette thèse, sans pour autant se contenter des médiocres conclusions de l'enquête. Pour eux, en effet, Pasolini a été assassiné. C'est-à-dire... qu'il a été victime d'un meurtre avec préméditation. Pour bien comprendre ce que veulent dire les amis du cinéaste, il faut savoir que la vie de Pier Paolo a été une interminable suite de démêlés avec la justice de son pays. Entre 49 et 77, donc même après sa mort, Pasolini a été l'objet de 33 procédures judiciaires. Un véritable acharnement. Pas une seule année sans qu'il ait affaire à la justice. Non seulement ses films, ses livres ont été attaqués, menacés de censure, mais pire, Paolo lui-même a été victime de nombreuses agressions, de tentatives d'homicide et de dénonciations calomnieuses. Le 3 juin 1962, par exemple, il est inculpé de vol à main armée. Un pompiste l'accuse de l'avoir braqué avec un pistolet pour lui voler sa caisse. Détail pittoresque, le pompiste affirme que l'arme était chargée avec des balles en or. Bien entendu, il s'agit d'une accusation complètement fantaisiste, mais elle laissera des traces. Une autre fois, Pasolini est traduit en justice pour avoir prétendument organisé un carnage de moutons sur le tournage de l'un de ses films, fantaisie encore. Mais après tant d'accusations, tant de rixes, tant de déboires judiciaires, la cause est entendue. Pier Paolo Pasolini incarne le mal, l'esprit du mal. Et le soir de sa mort, il se trouvera... un honorable parlementaire, pour déplorer qu'on consacre tant de place à la télévision à la mort d'un homme qui représente si peu les Italiens. C'est quand même difficile de croire qu'une enquête sur la mort d'un homme aussi connu que Pasolini ait pu être à ce point négligente. Oh, écoutez, on en a vu d'autres, non? Et ici même, je vous en ai fait la démonstration. Oui, mais là, vous semblez indiquer qu'il y a eu une volonté. Tout à fait. Mais je vous dirai pourquoi. Ce sont vos relations dans la police italienne qui vous ont fait des confidences? Oui. Si vous le voulez bien, je vais continuer à vous démontrer qu'on n'a pas voulu savoir. Très vite, dans la presse, on a émis l'hypothèse que Pino la Grenouille n'était pas seul. Il semblait en effet invraisemblable que cet adolescent ait pu seul battre à mort Pasolini. Et assez rapidement, deux frères ont été arrêtés. Et comment on les a trouvés? C'étaient eux aussi des gosses perdus, des ragazzi, des amis de Pino la Grenouille. Ils se sont vantés auprès de leurs copains d'avoir tué Pasolini. L'information est remontée jusqu'au carabinier et les deux frères, 14 et 16 ans, ont été arrêtés. Bon, on a compris bien vite que c'était des affabulateurs. Et l'affaire en est restée là. Mais malgré les réticences de la police, l'idée du crime collectif a continué à faire son chemin. Et toujours dans la presse? Oui. Et chez les proches de Pasolini, qui n'arrivaient toujours pas à comprendre. Il y a eu des résultats? Oui. Un chercheur qui menait une étude sur les jeunes de la banlieue a recueilli le témoignage d'un d'entre eux qui lui a affirmé que Pasolini avait été victime d'un guet-apens. Mais un guet-apens monté par qui? Par des jeunes qui voulaient se venger de Pasolini et qui se seraient servis de Pino la Grenouille pour attirer le cinéaste jusque sur le terrain vague d'Ostie. Alors, autre question, pourquoi pour se venger Pasolini, qui recrutait ses amants d'une nuit à la gare Termini, toujours dans la même bande, aurait eu avec certains d'entre eux des comportements brutaux. Bref, il aurait essayé de les violer. Ça vous paraît sérieux, ça? Très sérieux, oui. Même si le mobile me paraît farfelu. Je vous l'ai déjà dit à propos de Pino la Grenouille, ces ragazzi étaient des prostituées. Et ils se pliaient au désir de leurs clients, même si ça ne leur plaisait pas. Alors pourquoi ça vous paraît quand même sérieux? Parce qu'il est établi que trois jeunes gens ont réellement agressé Pasolini. Et vous dites établi, mais par qui? C'est une journaliste qui a levé ce lièvre, une journaliste très connue dans son pays, Oriana Fallaci. Oui, je connais, en effet, mais et comment a-t-elle fait, elle? Elle a effectué le travail que les policiers n'ont pas fait. Elle a enquêté, interrogé les témoins. Parce qu'il y a eu des témoins? Oui. Vous imaginez bien que ces gens qui étaient eux-mêmes en situation délicate dans ce terrain vague ne se sont pas précipités chez les carabiniers pour témoigner. Alors ça se comprend, mais qu'ont-ils dit à Oriana Fallaci? Ils ont affirmé que les agresseurs étaient au nombre de trois. Et ils ont donné des détails très troublants. Je vous écoute. D'après ce que j'ai pu apprendre ensuite, voilà comment ça s'est passé en réalité. Pino la Grenouille a été chargé d'appâter Pier Paolo Pasolini à la gare Termini. Ça n'a pas dû être très difficile. Pino, malgré ses yeux de grenouille, était exactement le genre de garçon que Pasolini recherchait. Une allure de petite frappe, une beauté un peu canaille. Vous avez dit l'appâter pour le faire venir aussi? Bien sûr, là où les deux autres garçons les attendent. Et pour faire quoi? C'est une des clés de l'affaire. Pasolini, je vous l'ai dit, est un habitué de la gare Termini. Les garçons le connaissent, mais en réalité, ils ne savent pas qui il est. Allez, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'il est Pasolini, le célèbre cinéaste? Exactement. Or, je ne sais pas comment, peut-être en ouvrant un magazine sur lequel il y a une photo du cinéaste, l'un d'eux identifie Pasolini. Et il se dit qu'il y a certainement une bonne affaire à faire. Chantage? Non, Pasolini est un homosexuel militant qui ne se cache pas. Donc il est impossible de le faire chanter. Par contre, on peut lui extorquer de l'argent, l'obliger à rendre gorge, vous comprenez, d'où l'idée du guet-apens. Et alors, comment ça se passe? Les trois garçons ont bien combiné leurs coups. Quand Pasolini arrive à Ostie, en compagnie de Pino la Grenouille, celui-ci l'invite à entrer dans une cabane qu'il connaît bien. Ainsi, ils seront tranquilles et pourront donner libre cours à leurs ébats sans être dérangés. Et dans la cabane, ils sont seuls? Mais non, il y en a deux autres. Et dès que Pasolini entre, les autres lui tombent donc dessus et entreprennent de le frapper à coups de bâton. Après avoir subi une telle correction, pense-t-il, le cinéaste ne pourra plus rien leur refuser. Mais ils n'ont pas prévu que Pasolini est un athlète et qu'il oppose une sérieuse résistance. Quand même, à trois contre un. Détrompez-vous, Pasolini se bat, comme un désespéré, à mort. Et il réussit même à sortir de la cabane, à courir vers sa voiture. Mais les autres le suivent, ils le rattrapent, tentent de le sortir de l'auto. Pasolini résiste, il arrache même le t-shirt d'un des assaillants. Le t-shirt qu'on va retrouver dans la chambre. Mais... Oui, de même que le briquet doit s'échapper d'une des poches d'un des garçons au cours de cette lutte. En tout cas, ils finissent par le faire sortir de l'auto et la bagarre reprend. Mais Pasolini a fini, n'est plus de force. Bientôt, il s'écroule. Alors soudain, les trois garçons réalisent. Pasolini est dans un état effroyable, peut-être mortellement blessé. Il faut l'achever. D'où l'idée de la voiture. Oui, c'est épouvantable. L'un d'eux prend le volant, il roule à plusieurs reprises sur le corps, puis tous les trois s'enfuient. Les deux premiers sur la moto qui les a conduits jusque-là, et Pino la Grenouille dans l'Alfa Romeo de Pier Paolo. Mais dans ce scénario-là que vous venez de me raconter, comment expliquez-vous le fait que Pino la Grenouille accepte de porter seul le chapeau? Oh, c'est très simple. Pino la Grenouille est le seul qui a été vu en compagnie de Pasolini. À la gare, dans le restaurant où il a dîné en compagnie du cinéaste. Donc, les deux autres lui disent « Les flics vont inévitablement te rattraper, alors autant t'accuser. Et puis si tu plaides la légitime défense, tu t'en sortiras. » D'où l'absurde récit qu'il a fait devant les carabiniers. Et puis, je vous l'ai déjà dit au début, les deux autres garçons ont dû aussi lui promettre de l'argent. Mmh. Mais je veux bien, mais enfin, si une journaliste quand même, a levé ce lièvre, la police aurait pu reprendre l'enquête. Hein. Et ça n'a pas été le cas. Alors vous allez me demander pourquoi. Ah, bien entendu. Bon, sincèrement, j'avoue que je ne sais pas avec certitude, mais les confidences de mes amis policiers italiens m'ont quand même permis de comprendre. Au fond, cette mort sordide arrangeait tout le monde. L'opinion publique que Pasolini provoquait régulièrement, le monde politique, l'Église, qu'il agressait en permanence. Pasolini était ingénieur. Mmh. Alors c'était plus pratique d'adopter la thèse de Pino la Grenouille. Pasolini avait péri par là où il avait péché. En cherchant à violer un jeune prostitué, c'était inutile de chercher plus loin. On était enfin débarrassé du monstre. Crime symbolique, crime politique. Je voudrais citer un article de la journaliste italienne Maria Antonietta Macchiocchi, paru dans le journal Le Monde au lendemain de la mort du cinéaste. Le crime est politique, au sens large. La haine déchaînée contre Pasolini, à l'instigation d'une société tout entière, trouve son expression dans la mise en scène du crime, une exécution publique, effectuée au grand jour, pour que tout le monde voie et apprenne. Cette haine ne s'est pas exercée contre un homme porteur d'une anomalie sexuelle assumée, mais contre le premier Italien qui a transgressé les tabous sexuels. J'ai retrouvé enfin ces quelques vers écrits par Pasolini peu avant sa mort. Des vers prémonitoires, les voici. Je suis comme un chat brûlé vif, écrasé par le pneu d'un camion. Et plus loin. Je regarde avec l'œil d'une image, les préposés au lynchage. J'observe mon propre massacre avec le courage serein d'un savant. Je vous retrouve samedi prochain sur France Inter.